Radio Le Zinc. Bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Le Zinc. Radio Le Zinc. Radio Le Zinc. J'avais un ami, mais il est parti. Se sent ça ma vie, il n'est plus en vie. Il m'a tout donné, puis s'est effacé. Je vous dis, commencez un Radio Le Zinc par téléphone, c'est bien commencer notre Radio Le Zinquienne pendant laquelle je vais vous proposer de découvrir, malheureusement avec retard, un nouveau cadavre exquis du rock français. En fait, nous les avons découverts la semaine passée, et donc ce soir on continue notre promenade dans le deuxième et dernier album de Thomas Winter et Bog. Et tout de suite, voici le nostalgique Je suis. Un mélancolique en demeure, je suis l'osmose sexuelle refoulée, je suis un toxicomane potentiel, je suis le rêveur amnistié, je suis un branleur conditionné, je suis l'artiste de mon malheur, je suis l'overdose qui décœure, je suis un poète de fond de panier, je suis l'écrivain périmé, je suis une bite pour les grosses pouffes. Je suis un spasme qui t'étouffe. Je suis la vérité à renier. Je suis une valeur sans vertu. Je suis un silence outrancier. Je suis un cas mais y'en a plus. Je suis une âme à remanier. Je suis celui qui voulait plaire mais qui n'a pas plu. Je suis celui qui voulait y croire sans l'avoir vu. Je suis celui qui voulait pourfendre les nues et qui s'est retrouvé sur terre, inhalant l'atmosphère, assis sur son cul. Je suis celui, je suis celui. Je suis celui. Je suis un mélancolique, je suis une osmose sexuelle. Je suis un toxicomane, je suis un rêveur. Je suis un branleur, je suis un artiste. Je suis une overdose, je suis un poète. Je suis un écrivain, je suis une bite, un spasme. Une vérité, une valeur, un silence. Thomas Winter et Bog sont ce soir dans Radio Lozinc sur la trail locale RVR. Elle m'a prise, la chienne m'a cassé sous les vents. Les courants qui reviennent me poussent vers l'océan. Et le phare s'illumine, la lune à pauvre mine. Les vagues me surprennent, il faut que tu me tiennes. Y a l'écume sans surprise qui soudainement devient grise. Et la côte ça me nuise, le large a pris de l'ampleur. La tempête fait sa crise emportant mon malheur. J'ai bu la tasse comme je dis, je suis qu'un humble pêcheur. Elle m'a prise, la chienne m'a cassé sous les vents. Les courants qui reviennent me poussent vers l'océan. Et mon âme s'illumine, mon corps a pauvre mine. Les lames me retiennent, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes. Elle m'a prise, la chienne m'a cassé sous les vents. Les courants qui reviennent me poussent vers l'océan. Et le phare s'illumine, la lune a pauvre mine. Les vagues me surprennent, il faut que tu me tiennes. L'écume sans surprise qui soudainement devient grise. Et la côte ça me nuise, le large a pris de l'ampleur. La tempête fait sa crise emportant mon malheur. J'ai bu la tasse comme je tease, je suis qu'un humble pêcheur. Elle m'a prise, la chienne m'a cassé sous les vents. Les courants qui reviennent me poussent vers l'océan. Et mon âme s'illumine, mon corps a pauvre mine. Les larmes me retiennent, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes, il faut que tu me tiennes. Elle m'a prise, la chienne m'a cassé sous les vents. Les courants qui reviennent me poussent vers l'océan. Et le phare s'illumine, la lune a pauvre mine. Les vagues me surprennent, il faut que tu me tiennes. Il faut que tu reviennes. Deux albums et puis plus rien depuis 2005. C'était Thomas Winter et Bog qui reviendront bientôt dans Radio Lozinc. Mais en attendant, rendons-nous en zone libre. We'll be right back. j'ai rien à mon paillasson. Encrassé, enfoui sous les déchets, nous aimerions nous laver. Nous aimerions nous lever, crier d'une voix pleine le désarroi, mais rien ne sort. Je viens à mon carpet, écrasé, méprisé, recroquevillé au fond de la nuit, je m'abîme. Un monde à la dérive, en fuite, rythmé par les 3-8. Un monde en quête d'une accalmie, d'un cessez-le-feu qui ne vient pas. Je cherche l'abri, l'imperceptible faille, la brèche où je pourrais me déplier, m'extirper de là et enfin respirer. Car dans ma tête s'évite une tempête, le crâne fendu sous un vacarme silencieux. Ferme sa gueule et mieux vaut ne pas y penser. Mieux vaut ne pas se poser de questions ici. On pense le moins possible, penser c'est se faire mal. Nous avons notre ration de petites humiliations, notre lot de souffrance à usiner. Nous avons nos rivières de déception et nos ciels de dépression à ruminer. Nous voulons oublier, nous voulons nous soulager du fardeau de notre mémoire. Nous sommes fatigués, mais on tourne en rond sans s'arrêter, sans même en avoir conscience. Ici le bout de la chaîne, la roue de l'hamster, gueule cobaye, gueule rebut, gueule sans nom. Ici la vie sans train-train quotidien, qui secrètement ne demande qu'à dérailler. Tessoguet vous parle. Serge Tessoguet, vous devez sentir un peu de nostalgie. Ouais, le guitariste de Feu Noir Désir est au cœur de la zone libre, avec le batteur Cyril Bilbo, qui au fil de leur création, illustrant des films, invite différents artistes. Vous avez aimé? Ok, voici La Montagne, deuxième titre du soir de Zone Libre. C'est de détenir la palle de l'endurance. C'est notre discipline reine, c'est simple. Tous les records de l'histoire de l'oppression viennent d'ici. Médaille d'or de la ténacité, toute catégorie de souffrance confondue. Première place au championnat du sacrifice. Champion olympique de résistance à la douleur. La fameuse coupe du courage des 24 heures du sang. C'est chez nous qu'elle trône et pas ailleurs. Les prétendants au titre peuvent tous aller se rhabiller. En la matière, c'est nous les boss. Et nos meilleures recrues sont féminines, héroïnes en première ligne de front de toutes les pressions. Où l'âme humaine prend la plus belle des dimensions et se dessine à l'encre de Chine sur papier canson. Hommage aux mères de nos cités populaires. Hommage aux lumineuses à l'ombre du père, à ce phare qui m'éclaire quand dehors c'est l'enfer. Celle qui me tempère quand je surenchère. Aux Amazones du bout de la chaîne alimentaire. Celle qui reste droite, le cœur à l'envers. Gardienne des fondations de l'amour élémentaire. À la couve de la louve et au croc de la panthère. Celle qui n'est pas au bar à cramer son salaire. Celle qui assume et tient la barre de la galère. Celle qui trime en silence quand la pitance est amère. La force de caractère qui n'a pas l'air. Où est ma mère? Ma mère c'est une montagne. She can move a mountain with her ever a doubt. Où est ma mère? Ma mère c'est une montagne. If she brought you in here she could take you out. Où est ma mère? Ma mère c'est une montagne. She can move a mountain with her ever a doubt. Où est ma mère? Ma mère c'est une montagne. If she brought you in here she could take you out, baby. Mom's position strictly praying mantis. Deep like Atlantis. Backdrop Johnny Mathis. In's mom kitchen they roll like Oval Office. Holy Trinity scold and hold office. Can't top this. Talk is proper. Educated high philosophers, wise scholars. Siege originated North Cackalack. Outer Banks, white boys always on the attack. But loose nooses, slip shanks. Man hard with them saltwater fish tanks. Give thanks. Eleanor was a teacher back in Jim Crow. Moms made her escape like we were rolling for Bamako. PhD, type gritty. On C ran the city, show no shame, no pity. Knew how you came and go, like a ghetto COINTELPRO. Check the drill with the dough. Cypher was tight, not a man in sight. Kept it precise, cause the word was running it right. Fucking day job, every job was all day. If they was rolling bricks, they would've rocked the freeway. Had to be that way. Aren't gonna get it? No, they didn't play. Backhand all day, shut you down with one question. Nick, what the fuck I said? Où est ma mère c'est une montagne. If she can move a mountain, was there ever a doubt? Où est ma mère c'est une montagne. She brought you in here, she can take you out. Où est ma mère c'est une montagne. If she can move a mountain, was there ever a doubt? Ma mère, c'est tout le fight. She brought you in here, she can take you out, baby. En écoutant Zone Libre, mon esprit vagabonde vers un autre groupe français, Dry Can, que malheureusement nous laisserons à nos potes de pop and rock car ils ont choisi la langue de Shakespeare plutôt que celle de Molière. Chacun devient de l'art.

Je les aurais revus, mes grands livres d'histoire et mes histoires de cul. Bientôt 17h30, vous écoutez Radio Lozinque sur la très locale RVR et poursuivons un petit peu notre chemin avec Franche et sa libellule. Ma libellule, tu peux les

Parfois, c'est la famille entière qui doit prendre des pilules. Et déjà, dans les années 70, plutôt la fin des années 70, des parigots dénonçaient. Vous êtes bien au 104.6 en train d'écouter l'amour de Radio Le Zinc pour le rock français. Même si tu ne parles pas, mais que je ne parle pas, j'aime ce silence-là. Si je te sens avec moi, donne-moi. Pas besoin

qu'il est fatigué de penser. Cet homme veut danser. Cet homme continue de marcher dans l'escalator. Une valise trop pleine, comme toutes ces valises trop pleines. Symptôme, fille, il est fatigué de valser, danser. Cet homme veut penser, cet homme veut flâner. Symptôme, qu'il est fatigué de se faner, de se cueillir. Cet homme veut se recueillir. D'aluminium, symptôme, avalé plus value valium. Cet homme a de la trempe, de la couleur sur ses tempes. Cet homme veut aller, aller, aller, aller, aller. Cet homme ne s'étonne plus d'en faire des tonnes d'allume. Cet homme veut danser, symptôme. Cet homme continue de marcher dans l'escalator. Une valise trop pleine, comme toutes ces valises trop pleines. Voilà bien longtemps que je négligeais les potes de Humbert Humbert. Oui, je parle de Bancal Chéri. Du coup, revoici le contrebassiste et ses sbires pour un second titre jamais passé dans Radio Le Zinc, Grain de Beauté. Un grain de beauté a poussé sur mon cœur. Il est brune, il est brune. Il a la peau comme la consolation. Il est douce, il est douce. Je le dévore du regard et mes yeux sont des loups affamés. De la lune, de la lune. On pourrait croire qu'il était tendu dans mon lit. Il est belle, il est belle. Il est brune, il est douce, il est belle, il est folle. Me fait rire et pleurer, me console. Il est belle, il est belle. Sans les seins, sans la bouche, sans les seins, sans la bouche, sans les seins, sans la bouche, sans les seins, sans la bouche, sans les mains, je le touche, sans les mains, je le touche, sans les mains, je le touche, sans les mains. Ouais, sans les mains, je le touche. Et il n'a ni démon, ni maladie sexuellement transmissible, ni problème d'horoscope, d'anniversaire. Il est bleuté comme la Voie lactée. Et il se Bancal Chéri, avec à l'instant donc Grain de Beauté, avec la voix de Humbert Humbert. Bancal Chéri que nous avions découvert avec Les Épaules, rappelez-vous. Pour la cumbia, j'ai pas les pas pour la rumba congolaise. J'ai pas les pas pour le mambo. J'ai pas les pas et pour le twist. Non plus pour la biguine. J'ai pas les pas pour la bourrée auvergnate. J'ai pas les pas pour le marche ou crève. J'ai pas les pas et ton amour. Je l'ai plus, mais pour le rock and roll, j'ai les épaules. Le rock and roll, pour le rock and roll, j'ai les épaules. Le rock and roll. J'ai pas les pas pour le boogie-woogie. J'ai pas les pas pour le tous ensemble. J'ai pas les pas et pour le jerk. Non plus pour la samba. J'ai pas les pas pour le cha-cha-cha. J'ai pas les pas pour le 14 juillet. J'ai pas les pas et ton amour. Je l'ai plus, mais pour le rock and roll, j'ai les épaules. Le rock and roll, pour le rock and roll, j'ai les épaules. Le rock and roll. Voilà, votre Radio Lozinque se termine et c'est la factrice de Barrio Populo qui a franchi notre heure Radio Lozinquienne sur ce rendez-vous la semaine prochaine, donc jeudi à 17h au 104.6. Bis à messieurs, bis à mesdames. Ma copine est factrice, elle est mon facteur dans lequel je me glisse pour lui envoyer des fleurs. Je l'imagine triant ses kilos de courrier en s'imaginant nu dans son lit léger. Et à sa grande surprise, au milieu des colis et de sa journée grise, un bouquet de jonquilles. En guise de ta beauté, je t'offre ses pétales. Voilà ce que j'écrirai sur une carte postale. Je m'en vais tranquillement à la poste du quartier. Une jolie fille me regarde en plan derrière son guichet. Elle me demande l'adresse de cet envoi de tendresse. Je lui dis ici même, troisième pièce, c'est fleurs pour ma princesse. Elle me dit pardi, ce que c'est gentil. Mon cœur y frémit, j'aime tant les jonquilles. Je lui dis si tu en veux, je t'en donne une ou deux. Je les offre à tes yeux, qui sont si merveilleux. Factrice et facteur, demi-c'est de fleurs. Il flore, il flore, il flore. regarde tigresse, et sur un papier je laisse mon adresse. 3 jours et nuits plus tard, ma copine revient bizarre avec un bouquet de pistes.